C'est le retour compliqué de Daniel Bryan. C'est les oreillons à la WWE, le Bullet Club contre la WWE, contre Jimmy Jacobs. Après, je suis pas sûr qu'il avait un grand avenir à Stamford, hein, parce qu'il est vraiment tout petit et il a un peu une tête de con. Finalement, NXT, c'est peut-être le centre d'apprentissage de Triple H, hein, tout simplement. Percy, c'est le Byron Saxon de NXT, quoi. CM Punk revient au catch, arrête de déconner. Bon. Discute avec le répondeur de Dana White. Hein. Salut les Smart et salut les Marc et bienvenue dans Talking Catch numéro 10. Et oui, c'est la 10e, c'est déjà un anniversaire. Je suis accompagné comme d'habitude et comme le dit le générique, puisqu'on a un générique, n'hésitez pas à nous donner votre avis dessus maintenant, réalisé par votre serviteur Ringside, ma compagne. Salut les amis, ça va en coulée? Ça va, je suis comme tous les dimanches matins en pleine forme. La pêche. Alors, donc voilà, ce Talking Catch. Si vous n'avez toujours pas regardé Talking Catch, vous ne savez pas ce que c'est le meilleur des news du mois passé. À chaque fois, on condense un peu les meilleures news, on les analyse. À la fin, on fait un débat. Entre deux, on dit des conneries. Bref, c'est votre dose de news mensuelle sur Catch-Up. C'est ça ou le jour du Seigneur. C'est ça ou le jour du Seigneur. Franchement, n'allez pas dire que vous préférez regarder France 2 à cette heure-ci. On essaie de faire ça tous les. Ça serait bien qu'on fasse ça tous les dimanches matins à la même heure, mais bon, on n'est pas sûr de le faire à chaque fois. Mais bref, donc c'est en live, bien entendu, et on annonce à chaque fois twitter.com/ketchupcdc à quelle heure on diffuse. Je vais commencer ce Talking Catch avec la première news dans une rubrique qui décidément est toujours un bon filant. C'est on est dans la merde. Et oui, c'est parti. Impact Wrestling. Et désormais, il y a un visuel, c'est magnifique. Regardez en haut à droite de votre écran. Global Force Wrestling a organisé mercredi 27 décembre un événement non télévisé pendant le 20e anniversaire du Music City Bowl de Nashville. Enfin, c'était un événement au Music City Bowl. Un match de foot au niveau universitaire, apparemment. Et donc, du coup, pour cet événement-là, en fait, il y avait un petit événement TNA. Et pour ramener du monde, la Global Force Wrestling et Jeff Jarrett, tout juste sorti de réhab, hein, de réhabilitation, puisqu'il était un peu disparu dans la nature il y a un mois et demi. Il venait pas, en fait, on en a parlé, je crois, dans Talking Catch. Il était pas venu aux enregistrements ou un truc comme ça. Et c'est quand même censé être le patron de la compagnie. Et donc, du coup, tout juste sorti de réhabilitation, il a pu accueillir Jerry Lawler et Ricky Steamboat pour cet événement fantastique. Jerry Lawler et Ricky Steamboat qui sont quand même un petit peu lié à la WWE, donc c'est la WWE qui s'est occupée de ça, pour un peu aider Impact dans leur panade, et aussi la WWE a payé la réhabilitation de Jeff Jarrett. Donc voilà, la désintoxication, oui, je cherchais le mot, je fais du franglais ce matin. C'est Galuf qui nous souffle sur le chat. La désintoxication. D'après donc du coup le Miami Herald, si vous voulez une source, elle est là. Donc ma question, pourquoi la WWE irait aider Impact Wrestling, simple gentillesse, ou il y a quelque chose là-dessous? Là, c'est pas la première fois que la WWE aide la concurrence. Hein. Il y a eu la promotion de la ICW dans les années 90. Ils ont toujours l'intérêt de prendre en charge les cures de désintoxication de leurs anciens catcheurs. Alors après, c'est vraiment étonnant qu'ils soient aussi sympas avec ce bon vieux Jeff Jarrett qui était quand même vraiment en très mauvais terme avec Vince. Ouais. Vince McMahon, hein, le grand patron de la WWE, hein, puisque on se souvient qu'il y avait eu ce fameux scandale là, quand Jeff Jarrett était champion intercontinental, il avait signé à la WCW alors qu'il était annoncé pour une carte de la WWF à l'époque. Et ben il avait extorqué, d'après la légende, $500,000 à Vince pour le match. L'argent qui avait plus ou moins servi à créer la TNA, hein, à un moment donné. Donc Vince avait gardé quand même une bonne dent contre Jeff Jarrett qui est quand même un catcheur de deuxième ou troisième génération, le fils d'un promoteur, Jerry Jarrett, qui aurait pu d'ailleurs écoper de la WWF quand Vince avait des problèmes avec la justice au niveau des stéroïdes. Il était prévu que ce soit Jerry Jarrett qui reprenne la WWF si jamais Vince allait en zonzon, comme disent les jeunes. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. Apparemment, l'âge de guerre est enterré. On vient sauver Jeff Jarrett. Alors, c'est peut-être lié aussi à son épouse, Karen Jarrett, qui est l'ancienne femme de Kurt Angle. Maintenant, c'est tout à l'honneur de la WWE de t'aider comme ça la concurrence. On voit bien que Impact ou la Global Force Wrestling, c'est pas vraiment quelque chose qui fait peur à la WWE désormais. Mais ils peuvent se permettre ça. Alors, c'est peut-être pousser la réflexion un peu loin, mais je me dis aussi que si quelqu'un de leur histoire, enfin quelqu'un d'important dans leur histoire meurt d'intoxication d'intoxication alimentaire non mais d'alcoolisme ou de drogue, ça se reflète quand même un peu sur eux, quoi. Donc il y a aussi ça, hein. Il y a aussi une question d'image à mon avis, c'est-à-dire que si Jeff Jarrett, je ne lui souhaite pas, mais si Jeff Jarrett meurt d'une overdose de quelque chose ou d'alcoolisme, dans les journaux c'est marqué Jeff Jarrett de la WWE, ouais. Parce que c'est la fédération que tout le monde connaît, même si il y a TNA une grosse part, mais Et donc voilà, après ça fait catch, drogue, etc. Et puis c'est un cercle vicieux, et on sait dans l'histoire que c'est un truc qu'ils veulent absolument éviter maintenant, ce genre de connexion. Donc voilà, c'était un peu la news, finalement la news, comment, bonne action du mois. Voilà. Bravo la VVE. On ne sait pas si ça va vraiment booster, s'ils vont continuer à les aider de la même façon. Et aussi, le fait est qu'il y avait Jerry Lawler et Ricky Steamboat, parce que, surtout Jerry Lawler, parce que c'était à Nashville. Donc du coup, voilà, c'est un peu la star locale et tout ça, quoi. Exactement. Un bonjour à Richard sur le chat, qui est là, de bon matin. Salut Richard, j'ai vu qu'il y avait quelques gens dans le chat, Gwendal, tout ça. Gwendal est là aussi, voilà. Il y a du monde, voilà. Et n'oubliez pas, si vous vous levez une heure plus tôt, il y a une ex tout seul. Ou je suis pour l'instant véritablement tout seul. Non, il y avait Camille, bon, enfin bref. La deuxième news de, dis-moi, passé, c'est les blessés, voilà. J'ai décidé de mettre une image de Dean Ambrose prostré dans un ring. Le point sur les blessés, voilà, je voulais faire une petite rubrique là-dessus. Les blessés de décembre, On va faire un truc mortuaire avec une liste post-mortem. Voilà, comme au César là qui apparaît. Mais voilà. On n'a pas encore les moyens. Voilà. On a fait un générique, c'est déjà bien. Donc, on a Brian Kendrick qui a eu le nez brisé et le. Alors, j'ai pas cherché la traduction orbital bone, mais donc du coup, ça doit être. Au niveau de l'œil, un peu comme le scénariste. Voilà, ça c'est bien sûr c'est le comment c'est le l'œuvre d'art de Hideo Itami, un 205 Live qui apparemment est en train de se faire une petite collection de blessures du moins pour ses adversaires. Ouais, quand il se blesse pas lui-même, il blesse les autres. C'est bien. Voilà. Et bien carrière à la WWE. Donc, pas vérifié par contre pour combien de temps il en avait Brian Kendrick, mais à mon avis avec ce genre de blessure, on va quand même le voir, même s'il catche pas, on va le voir sous peu, parce que c'est juste par rapport à son œil. Alors Velveteen Dream qui était qui avait une petite blessure. Alors j'ai pas trouvé d'où ça venait, mais voilà, c'est qu'il y avait une rumeur de blessure après. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu directement après NXT WarGames. Il est annoncé comme revenant à NXT courant janvier. Voilà, j'ai pas regardé. J'ai pas envie de me spoiler les enregistrements. Donc j'ai pas regardé s'il était là. Probablement. Mais donc. On espère, voilà. Hein. Rien de grave. C'est dommage de ne pas avoir de la suite sur ce bon Velvetine. Rien de grave. Donc passons à Dean Ambrose, donc du coup qui est en haut à droite de l'écran. Donc selon les officiels de la WWE, Dean Ambrose, apparemment donc du coup déjà blessé avant le Monday Night Raw de Noël, sera absent pendant 9 mois. Il a eu une rupture du triceps tendon et donc du coup voilà, c'est situé au niveau de l'épaule. Il a été opéré fin décembre voilà. Alors bon. C'est la WWE, donc quand ils disent 9 mois, ça peut être beaucoup moins, ça dépend. Mais donc voilà, le shield des maudits. Ouais, shield des maudits, pas shield de retour du shield. C'est un truc de voilà. Fou, genre Roman Reigns qui chope les oreillons, Dean Ambrose qui se pète l'épaule, enfin... Ça n'en finit pas. Qui boit son café. De fou, quoi. Truc de fou. Ouais, bah, le pauvre Dean Ambrose, quoi. Ça peut peut-être pas lui faire de mal d'être un peu hors des écrans pendant un petit temps. Voilà. À vivre du chèque de sa femme. Voilà. On dirait Samoa Joe. C'est une bonne façon de vivre aussi. Voilà. On attend son heel turn désespérément. Donc, ça viendra peut-être avec son retour de blessure. Ouais. À moins qu'il nous fasse une vidéo à la Seth Rollins où il est en train de regarder des matchs dans son lit d'hôpital. Ah, j'en peux plus, je ne peux pas pouvoir cacher. Je reviendrai pour la ceinture. Je l'aurai un jour. Page. Donc, alors, c'est pas... Voilà, on a eu une frayeur, en fait. C'est House Show à Long Island, hein, fin décembre, où Sasha Banks a fait un petit kick apparemment un peu mal placé sur Paige. Enfin, plutôt bien placé finalement, même si elle a touché. Mais et donc, rien de grave néanmoins. Donc du coup, on a vu Paige au début partir sur un brancard, ensuite elle s'est relevée, elle a boité jusqu'au backstage. Et rien de grave parce que le Monday Night Raw qui a suivi, on l'a vu dans une petite vidéo annonçant sa participation au Rumble féminin dont on parlera un peu plus tard. Oui, je ne l'ai pas annoncé le débat aujourd'hui. Ça va être sur le Rumble féminin. Noam Dar. Et oui, vous l'avez tous oublié, mais il est blessé. Noam Dar. Il a été blessé le 27 novembre à Monday Night Raw et opéré d'une déchirure du ménisque. Sera absent pendant 5 mois, donc enfin 4 mois du coup si on compte à partir d'aujourd'hui, ça fait environ 4 mois. Donc voilà, si ça vous manque les Alicia Fuck, ce sera dans 4 mois. Donc voilà, c'était la fin de ma liste de blessés. Peut-être qu'il m'en manque, mais il me manque du sommeil aussi. Donc voilà, vous n'aurez pas plus de blessés pour aujourd'hui. Pas de nouvelles de Tyson Kidd. Non. Quelle cruauté. Ah, on peut faire ceux de New Japan, hein, si tu veux. Mais, Les blessés de la New Japan, ouais. Mais je pense que la liste va être... Ah, quand ils sont blessés, ils reviennent plus. Ouais, voilà. Anis Japan, ils se blessent pas. C'est retraite ou rien. Voilà, ils se handicapent, en fait, les mecs. C'est direct, ils sont handicapés. Donc, pour la news qui suit, eh bien, c'est Rey Mysterio qui veut un dernier run à la WWE, comme c'est original. On n'a pas cette nouvelle tous les mois. Écoute, et moi je remplis le show, hein. Je trouve ce que je trouve. La dernière fois c'était Batista, maintenant c'est Rey Mysterio. Chacun veut son dernier, sa dernière danse, comme dirait Kyo. Dans une interview fin décembre avec ESPN, le Luchador a parlé de ses soucis de santé, de son rapport avec les médicaments, qui n'a pas été très sain pendant un moment, et surtout de son envie de revenir à la WWE pour finir en beauté. Je cite, j'adorerais revenir pour un an ou peu importe la durée. Je ne voudrais pas qu'on se souvienne de moi comme le mec qui n'a jamais re-signé, qui n'est jamais revenu. Je voudrais avoir un dernier run pour dire au revoir aux fans de la WWE. Est-ce que à l'époque... alors moi, c'est ma grande question pour cette news. À l'époque où les géants dominent le haut du roster, mon cher Ringside, y a-t-il la place pour un dernier run du petit Mysterio? Ou est-ce que finalement, maintenant, AWW, les Luchador, c'est fait pour 205 Live? Oh non, t'imagines? Mysterio, The Comeback contre Kalisto. Oh mon dieu, l'affrontement des titans. Oh là là, non, il en est en, les il petits en titans. Tag team avec Kalisto. Le nouveau Lucha Dragons, oh mon dieu, non. Non, par contre, il y a de la place clairement pour lui dans le roster principal. Il y a toujours de la place pour Rey Mysterio, qui est une des plus grandes stars de la WWE, hein, au final. Un des plus populaires, un des plus spectaculaires. Les derniers matchs que j'ai vus de lui à la What Culture Pro Wrestling ou à la Lucha Underground, il est encore en grande forme, hein, malgré visiblement ses problèmes d'addiction à l'alcool et aux médicaments. Il a fait encore de sacrées prestations. J'ai vu contre Will Ospreay ou des choses comme ça, ou contre Prince Puma, Ricochet. Il reste très très impressionnant dans le ring. Il a encore beaucoup de choses à dérouler. Mais s'il doit faire un retour à la WWE, faudrait pas trop attendre, parce que effectivement, après, on va arriver dans les années où ça devient plus difficile pour faire des prestations vraiment au niveau. Moi, j'avais entendu que le gros problème, c'était son agent, donc Conan, hein, qui est un ancien catcheur aussi de la WCW, qui est assez influent au niveau du catch mexicain, qui travaille actuellement pour Arrolux, là, qui tente de lancer une nouvelle émission de lucha libre américaine. Conan, qui s'entend pas du tout avec la WWE, la WWE veut pas travailler avec lui. C'est ce qui bloque principalement, apparemment, le retour de Rey Mysterio. Voilà, donc je pense que c'est jouable, mais ça devra se faire sans Conan. Après, ça peut se faire aussi avec Conan parfois. La WWE, elle fait des efforts considérables, ça dépend. Voir s'il s'entend bien avec Triple H, ce petit Rey Mysterio. Mais pour moi, c'est une des plus grosses stars de la WWE. C'est vraiment, à mon avis, idiot de la part de la WWE de se passer de ce talent-là. Il fait partie pour moi des plus grosses stars qui devraient être dans le roster actuellement. J'avoue que je verrais bien un petit Rey Mysterio Finn Balor. Exactement, j'imagine. Mais il y a plein de combinaisons à faire. Hein. Contre Cesaro, contre Rollins, contre Strowman, ça serait super. Ouais. Après, Mysterio, il a tué un catcheur. J'ai toujours du mal à... De quoi, il a tué un catcheur quand? Je sais plus, il y a 2 ou 3 ans, là, sur dans un match au Mexique. J'ai plus le nom du catcheur en question. Voilà, après un 6-8-9 et un dropkick. Un jeune catcheur, hein, qui était un peu une star montante du catch mexicain, il s'est pas relevé du match, hein, il est mort sur le ring. Vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube si vous cherchez. On ne sait pas si ça vient des coups qu'avait porté Mysterio, hein, tout ça a été un petit peu enterré sous le tapis. C'est un peu opaque les raisons concrètes du décès du catcheur en question. Il y a aussi Conan qui est impliqué dans l'histoire parce qu'il a peu secoué la nuque du catcheur un peu bizarrement, hein, sur le ring, enfin un peu nonchalamment. Hein, et voilà, c'est le Mexique, hein, il n'y a pas aussi bien sécurisé que les États-Unis. Voilà. Désolé, je suis en train d'imaginer le mec qui arrive vers le cadavre du type et qui fait. Ouais. Ah ben, il marche plus. Mais c'est à peu près ça. Hein. Tu pourras chercher les vidéos. On a besoin d'un autre. Remplace. C'est ça. Mais je crois qu'il lui met même quelques petites claques comme ça. Ça va aller. Donc ça, c'est le genre d'histoire peut-être qui peut. Si ça remonte dans les médias mainstream, ça peut peut-être un petit peu entacher le truc. Ça peut être un handicap aussi. Mais si c'est pas remonté maintenant, ça remontera pas, je pense. Enfin. Ouais, voilà, je pense. Mais voilà, c'est pour la petite histoire, quoi. D'accord. Sinon, pour ses problèmes d'addiction, hein, un bon DDP yoga, hein, comme Jeff Jarrett, puis c'est réglé. Hein. Et oui, DDP, le sauveur. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi c'était. Perro Aguayo Jr., nous dit Camille, le nom du catcheur décédé. Perro Aguayo Jr., voilà. Eh ben dis donc, ça va être dur à retenir. Mais c'est pour ça que j'ai pas retenu. Oui, donc, du coup, ouais, j'allais dire. Moi, c'est juste que j'ai toujours mon petit souci entre à faire catcher des. Des mecs qui font 1m20 contre des Strowman et des Brock Lesnar. Parce que j'ai l'impression que ça fait toujours le même match, en fait. Ça fait toujours ce match où au début ils se font malmener, et puis après ils leur tapent dans les pieds, et puis après l'autre il fait. Ah, c'est généralement un peu mieux fait quand t'as Rey Mysterio. Ouais. Plus talent qu'un Kalisto. On verra. Je demande à changer d'avis. Donc, la quatrième news, top visuel, la régie, voilà, c'est la grosse news polémique de décembre et peut-être de l'année, l'arrestation de Rich Swann pour kidnapping et délit de coups et blessures sur sa femme, hein, ce n'est pas rien. Alors... Pour être honnête, il a été incarcéré, je crois, pendant moins de 24 heures avant d'être s'évader. Avant de s'évader. Sur la garde. Prison break. Coup de blessure sur sa femme Vanara Riggs, qu'on connaît dans les fédés indés sous le nom de Su Yang, surtout à Shine, si vous avez déjà vu. Cette fédé. Donc la WWE a suspendu directement le catcheur de 205 Live et a annulé son match contre Cédric Alexander pour une chance au titre Cruiser mi-décembre. L'histoire en détail. Alors l'histoire en plus c'est tellement compliqué. J'ai passé, je crois que sur les news là, celle de Rich Swann, j'ai dû passer genre au moins une heure parce que on a un mélange de ce que l'état de Floride confirme, ce que les témoins confirment, ce que Rich Swann dit avoir fait, enfin, c'est... Donc, au retour d'un show indé près de Gainesville, en Floride, c'était Pierre Belmar, tu vois. Il revenait. Un soir brumeux, il revenait d'un show indé près de Gainesville, en Floride, dans la voiture dans la voiture, Rich a critiqué la performance de sa femme dans le ring. Elle a voulu sortir de la voiture, et Swann lui aurait, d'après un témoin de la scène, mis dans un headlock avant de la forcer à revenir dans la voiture. Donc du coup, il devait pas avoir démarré, en fait. Il est sorti de la voiture. Oui, c'est ce truc-là que je comprends pas. Soit elle a sauté de la voiture en marche. Voilà. Je te jure, j'ai relu plein de trucs et tout se confond, machin et tout. La voiture aurait donc démarré avec Vanara Riggs à l'intérieur, donc du coup après cette séquence-là. Et elle a réussi une nouvelle fois à s'en aller. Et Swan aurait tenté sauter de la voiture en donc, sûrement à MacGyver. Et Swan aurait tenté de la rattraper en voiture, conduisant la voiture dans un pilier téléphonique. Voilà. D'après lui, il la poursuivait seulement pour avoir des infos de GPS pour leur prochaine destination. Ah, c'est sympa les voyages avec les chiens. pour l'instant, néanmoins, on devrait pas rire parce que c'est quand même. Cette histoire, surtout la note de fin. Pour les gens qui regardent le stream, vous voyez en haut à droite le coup de théâtre de fin. Donc, pour l'instant, néanmoins, aucune plainte ou charge criminelle n'a été déposée à l'encontre de Rich Swann. Donc, du coup, il n'y a que l'état de Floride, en fait, finalement, qui est susceptible de le mettre, de lui intenter un procès ou un truc du genre. Sa femme n'a pas porté plainte. Et voilà, l'état de Floride n'a pas encore décidé s'ils avaient les preuves pour l'amener en justice. Dernier rebondissement, et pas des moindres, Vanara Riggs a posté sur Facebook une photo fin décembre disant qu'elle a hâte de revoir son chéri après avoir débuté dans deux nouvelles fédérations. J'ai pas trouvé dans quelle fédé elle a débuté en décembre, mais voilà, c'est la photo que vous avez en haut à droite de votre écran. Avec le petit commentaire, je sais pas si c'est lisible parce que c'est un peu en petit, mais voilà, vous le trouverez sur le Facebook de Vanna Riggs. Ringside, est-ce qu'on a notre Paige Del Rio pour 2018, nouveau couple qui fait n'importe quoi. Alors moi j'ai ma théorie headlock, dive de la voiture. Je pense qu'il répétait un match pour Two Five Live. Mais je ne suis pas sûr. Oui, non, s'ils restent ensemble, à mon avis, on réentendra parler d'eux dans le courant de l'année. Il faut bien se rendre compte que les catcheurs, il y en a qui sont à peu près bien meublés dans le cerveau, mais pas tous. Hein, donc, quand on fait catcheur, on n'est pas forcément... bien équilibré hein, dans sa tête et puis quand on est en couple en plus alors ça ça peut aller loin je sais pas où il en est avec la WWE ils l'ont suspendu indéfiniment il est pas viré pour l'instant parce que violence conjugale c'est quelque chose qui s'est renvoie direct hein, de la WWE on l'avait vu avec ce pauvre ce mec aussi un petit peu taré là, Adam Rose, même s'il n'avait pas été viré, parce que c'est pareil, il n'y avait pas de plainte qui avait été posée au final, mais bon, dès qu'ils avaient pu libérer de son contrat, ils l'avaient fait, je pense que ça va être la même chose avec Swan. Ça c'est quelque chose qui fait partie des clauses de bonne tenue. La WWE, il ne faut pas déraper sur ces points-là, donc c'est en tout cas très mal barré. Comme tu le dis, c'est pas aussi connu que Paige et Del Rio, mais comme je disais, s'ils restent en couple, à mon avis, ce ne sera pas étonnant si on les revoit faire la une des deux cheats pour des histoires du même acabit. Hein. Ouais, voilà. La chose est triste parce que moi, j'avais vu quelques matchs de Su Yang à Shine. Et je le trouvais plutôt sympa, elle a un gimmick plutôt cool, toute peinte en blanc et en noir, avec un côté complètement, justement, psychopathe, avec du sang, enfin avec du maquillage de sang autour de la bouche à chaque fois, enfin bref, elle a un gimmick plutôt sympa, et elle faisait des spots un peu suicidaires aussi, donc bon. Finalement, tout ça est peut-être un peu raccord. Mais bon, on en saura plus. Je vous referai peut-être un point le mois prochain si on a du nouveau. Là, on n'a pas eu de nouveau depuis le début de l'affaire. Et je pense que la WWE attend juste que finalement, il soit véritablement inculpé pour fermer le dossier. Il n'y aura peut-être pas d'inculpation sur un cas comme ça. Si elle ne porte pas plainte, il se passe pas grand chose derrière, malheureusement, mais bon, son contrat va sûrement arriver à terme, c'est ça. Ou faire libérer. Moi, je le vois comme ça. Ou faire ça comme ça, l'histoire que. Comment qu'ils aient pas de soucis de justement s'il veut ensuite porter plainte parce qu'il a pas fait d'erreur grave à la WWE ou des trucs comme ça. La sixième, attendez, sixième, oui, cinquième news, je suis perdu. C'est toujours sur 205 Live, on va continuer avec 205, avec encore une super nouvelle. Un show 205 Live annulé, et oui, pour raison de calendrier, alors d'après la WWE, la tournée 205 Live donc du coup semble avoir du mal à décoller niveau vente. Déjà on entend ça ici et là. Et la dernière mauvaise nouvelle, c'est l'annulation du show du 19 janvier à Kingston, Rhode Island. La tournée donc du coup qui désormais est une tournée de deux dates, les 20 et 21 janvier, devrait réunir Enzo Amore, Kalisto, Jack Gallagher, Hideo Itami et un affrontement entre Matt Hardy et Bray Wyatt. On nous annonce ceci, et là, ça va te faire plaisir ringside, Nia Jax comme special guest referee. Oui, ça c'est cool. Arbitre spécial. Je la vois bien avec un t-shirt rayé comme ça, blanc et noir. J'ai presque envie de dire, donc pour les gens qui espéraient Nia Jax gagnante du Rumble... On est mal barré. Ouais, moyen. Et je pense qu'elle va passer plus de temps à 205 qu'à Raw. Ouais. Et puis voilà. C'est donc du coup cette annonce. Alors du coup, ce que je disais au niveau des tickets, si vous voulez de la justification, bah c'est que Matt Hardy versus Bray Wyatt, c'était pas prévu au début. Ils ont rajouté ça il y a quelques semaines pour booster le truc. J'imagine que Nia Jax, une nouvelle fois, c'est un truc pour booster les ventes. Même si bon, il y a cette histoire avec Enzo. Qui sait s'ils n'ont pas inventé justement cette histoire avec Enzo pour arriver là, enfin au moment où ils se sont dit on est en galère sur 205 si on boostait avec Nia Jax. Donc voilà, c'est mal barré. Et donc ma question, combien de mois avant qu'on annule 205 Live? Alors l'annulation, je sais pas, mais je crois qu'on va voir de plus en plus des Davey White participer à 205. On a vu Goldust à Raw participer à un match des Cruisers il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas s'ils vont tout de suite enterrer carrément l'émission en en créant une nouvelle, parce que je pense que ça doit leur faire des frais. Ça me paraît un peu rapide pour enterrer une émission comme ça. Je ne sais pas combien de temps avait duré la ECW version WWE. Ça un an dû faire deux ans. Ouais, ah, deux peut-être ans. Peut-être, ouais, je sais pas, je voudrais pas trop m'avancer. Bonjour à Maxence, tiens, qui vient d'arriver dans le chat. Mais c'est vraiment un naufrage de 205 Live, là, on voit. Donc même ces shows live, bah, ça fonctionne pas comme ça devrait. C'est pas la première fois qu'ils mettent quelqu'un en plus du roster féminin, par exemple, pour booster un peu l'audience. Mmh. On avait eu Sasha Banks, on avait eu Alicia Fox. Je sais plus qui d'autre était venu aussi faire un petit coucou. C'est le naufrage complet, ça fonctionne pas. Il faut, moi je pense que ce serait très bien d'arrêter l'émission et de ou alors vraiment faire un check-up complet. Mais alors y compter sur Hideo Itami, c'est quand même mal barré pour faire quoi que ce soit d'intéressant. Ils ont en parallèle ce projet là de show sur Facebook qui doit leur prendre du temps, donc à mon avis, avec les matchs intergender. Donc je ne sais même pas qui book 205 Live, qui s'occupe du show, est-ce qu'il y a vraiment une force créatrice derrière qui est susceptible de rénover le truc pour faire quelque chose de regardable. Ça, je n'ai pas, ouais, pas vérifié sur... C'est, pour moi, ils ne le prennent pas assez sérieusement, ou alors c'est vraiment pas leur truc, mais en tout cas, on va, pour l'instant, sur les cruisers, on va rester sur un échec complet, malheureusement. Il n'y a qu'une solution, c'est peut-être faire prendre ça en main par les équipes de NXT, de Triple H, ceux qui ont géré le tournoi Cruiserweight Classic. Il n'y a que qui peuvent rendre ça intéressant, je pense, parce que pour le reste, le traitement qui est fait, c'est pas suffisant. Il y a tellement déjà d'heures de programme de la WWE. Quand ils ont lancé le truc, ils auraient dû penser à faire quelque chose de différent. Là, c'est vraiment pas intéressant à regarder, enfin. Moi, je dis la dernière solution, on en a déjà parlé, mais c'est d'enregistrer 205 à Full Sail. Ouais, d'intégrer ça avec NXT. Pas forcément intégrer ça avec NXT, mais au moins qu'il profite de la salle pour faire des enregistrements de 205. Ouais. Et puis qui condense ça dans un show comme NXT, un show de 1 heure où ça s'enchaîne rapidement. Il y a pas d'histoire de mec qui va dans le ring pour parler pendant 3 heures ou pour des mecs qui se costument ou je ne sais pas quoi, etc. Juste du pur catch avec des intrigues très simples. Parce que je crois qu'en plus le créneau d'enregistrement il va être pris par leur émission sur Facebook là. Oui. Des mixed match là, donc je sais même pas quand est-ce qu'ils vont enregistrer ça maintenant. C'est tout ça est bien étrange. Ouais, c'est bizarre. Peut-être qu'ils vont justement, du coup, ça va être 205 pas live s'ils l'enregistrent ensuite. De toute façon, ils ont menti sur tout, hein, sur 205 live, hein. L'émission la plus dynamique de la télé. Ça passe pas à télé. Voilà, il n'y a pas que des cruisers, les cruisers ne sont pas exclusifs au show 205 Live, donc voilà, ça s'appellera 205 Live, ça ne sera pas en direct, c'est pas grave. L'avant-première, enfin the premiere of Hideo Itami à 205 Live, on nous dit ça juste après avoir vu Hideo Itami faire son retour à Raw, et du coup on fait « Non, je viens de le voir ». pourquoi vous me dites ça? C'est que ça depuis le début, que les cruisers c'est que du mensonge et 205 Live c'est que du mensonge tout le temps, donc à un moment donné, ils croient plus trop. Quoi. Ouais. Je vois Gwendal dans le chat, il dit le souci avec 205 c'est que ça a été vendu avec le tournoi Cruiserweight que perso j'ai adoré. On se retrouve avec un sourd niveau intrigue et du catch banal. C'est exactement ça, tout à fait. Ouais, mais. Après, c'est vrai que quand on regarde qui y avait au Cruiserweight Classic et qui y reste, c'est sûr que ça fait pas rêver. Mais après, tous ceux qui les plus intéressants, c'est des mecs qui basculent entre 2 et 3 fédés et qui, à mon avis, font plus d'argent que les gens de 205 Live maintenant. Ouais. Il y a eu le problème Neville, hein. Ouais. Qui était peut-être la plus grosse réussite du show et qui a pas ça s'est très mal passé hein, au final. Il nous manque les Singh Brothers, nous dit Maxence, effectivement. Ouais. Bah, le Maharaja hein, pourrait faire une apparition à 205 Live. Si vous voulez le mettre là-bas, show, n'hésitez pas. Voilà, exactement. Puis qu'il y reste longtemps, qu'il y ait un run de champion cruiserweight assez long. Je parlais de la thématique dans NXT tout ça juste avant. Je parlais de. On faisait le best-of de l'année, donc du coup l'émission de 2 heures, et puis je parlais de la thématique de SmackDown, là où les gens vont mourir parce que on avait genre le départ de Nakamura au début de l'année d'NXT à SmackDown, ensuite on a eu Bobby Roode parti à SmackDown, ça y va, donc du coup le cimetière des éléphants. Et voilà, et puis si vous voulez les enterrer définitivement, et bah 205 est là pour vous. Voilà, c'est la dernière étape. Dernier arrêt. Voilà. Voilà. Bon, bref, on va passer à une news un peu moins drôle, un peu moins fun. Mais bon, c'est l'heure de la grande spéculation. C'est Vince McMahon. Voilà, image avec du pognon. Vince qui vend une partie de ses parts de la WWE. Il y en avait pour 3,34 millions d'actions, soit 105 millions de dollars pour créer Alpha Entertainment, une société du coup qui est, d'après le communiqué de la WWE, consacrée au divertissement et au football. Plus particulièrement Alpha Divertissement, c'est pas ça? Alpha Divertissement. Il me semble qu'il a inventé un nouveau terme. D'accord, c'est l'expression? C'est l'alpha. D'accord, ok. Et c'est un spécialiste. C'est pas pour les mâles. Et c'est quand même l'homme qui nous a offert le Big Dog. Donc, la société Alpha déposait 5 licences trademark au nom de la XFL, fameuse XFL, ancienne fédération de football créée par Vince, enfin football américain, créée par Vince avec la participation de la NBC en 99 pour concurrencer la NFL. On nous précise dans le communiqué que Vince reste CEO de la WWE. Et on n'a aucune confirmation réelle hein, de lui retour de la XFL. Brian Shepard de Nation One News annonce qu'il y aura un vrai communiqué de presse le 25 janvier sur le sujet. Mmh. Et c'est, je crois, la veille du Rumble. Un truc du genre. Donc, du coup, ils veulent sûrement profiter de ça. Et puis la XFL, ça s'est terminé en 2001, je crois. Oui, il y a eu une saison, je crois. Voilà. Ils l'ont créé, enfin, le temps d'organiser le truc, ça a duré une saison. Et, et ça n'a plu à personne. Ma question, c'est qu'est-ce que pourrait faire Vince avec tout cet argent, autre que ressusciter la XFL ? Sachant qu'il veut quand même faire du foot, donc du coup, c'est. Oui, je crois que son projet principal c'est le football. Hein. Il n'y aura pas autre chose que ça. Il y a toute une histoire aussi que j'ai pas raconté sur. C'est des supputations de podcasteurs, mais comme quoi Donald Trump déteste la NFL. Ah. À cause de toute cette histoire de salut pendant l'hymne américain, protest. Oh là, j'arrête pas de faire des anglicismes. Les joueurs blacks qui font le signe pendant l'hymne américain et tout ça, et la NFL qui laisse faire. Et donc Trump a balancé quelques tweets méchants contre la NFL, et sachant que les McMahon et les Trump sont comme cul et chemise. Ça fait qu'on pourrait. Alors, c'est des. Comment ? Spéculation totale, mais on pourrait croire que Vince. Il est un petit peu poussé aussi, sûrement, par les Trump à reprendre ce truc-là et à retenter sa chance, sachant qu'aussi Vince a l'esprit très... il n'aime pas avoir une défaite dans son CV. C'est ça. C'est quand même un mec ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est prêt à relever tous les challenges, qui n'aime pas rester sur une défaite. Un peu un grand psychopathe, quoi. Mais j'ai entendu les analyses un petit peu de Meltzer aussi sur le cas XFL et puis la possibilité de relancer une fédération de foot, parce que c'est quand même pas une petite entreprise hein, de concurrencer la NFL. Mm. Je sais que la NFL, ils ont un peu des problèmes à remplir les stades sur les derniers mois, la dernière année. Ils sont un petit peu en position de faiblesse, on va dire, mais bon, c'est très relatif. Il se trouve qu'il y a peut-être plus de créneaux possibles pour les droits télé, pour lancer une nouvelle fédération de catch, parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes de sport qu'il y en avait à l'époque de la XFL. Donc le terrain est déjà plus propice qu'à l'époque de la XFL. Ils ont appris de leurs erreurs. Concrètement, ce qu'est expliqué Meltzer par rapport à nous, fans de catch, ce qui risque de se passer, c'est que Vince, il va utiliser ses équipes pour créer la XFL, les mêmes qui s'occupent de la WWE. Donc les mecs vont avoir une surcharge de travail assez extraordinaire. Meltzer racontait qu'à l'époque de la XFL, les mecs étaient au bout du rouleau hein, quand il allait les rencontrer. Ils étaient vraiment, on leur demandait le maximum et ils étaient tous au bord du burn-out. Ça risque de se ressentir dans les émissions de la WWE. Moi, ce que j'imagine, ce que j'espère, c'est que Vince aille un peu travailler sur ce projet-là et laisse un peu les rênes à Triple H, qui est la personne bien placée pour gérer les weekly, etc. En même temps, ça peut être le moment de la passation de pouvoir qu'on attend tous. Maintenant, je pense qu'on en apprendra plus avec les communiqués. Après, c'est une précision, cette précision dans le communiqué, Vince McMahon reste CEO de la WWE. Ouais. J'ai l'impression que c'est fait exprès, quoi. C'est histoire de vraiment signaler, non, le patron sera toujours là quand. Oui. Bah, de toute façon, ouais. Je pense qu'il peut pas non plus lâcher les rênes de l'entreprise avant, enfin, de la multinationale avant de la vendre. À Disney, il y a des rumeurs de vente hein, encore qui sont reparties de la boîte. Mais bon, Vince, au niveau du business, il a à apprendre de personne. Hein, donc, quand il monte ça, il le fait de manière, je pense, sans prendre en prenant le moins de risques possible. Hein, déjà, il fait. Ça va pas être une construction de la WWE, il fait ça avec son argent de son côté pour pas affoler la bourse, etc. Il a vendu en amont ses actions là pour se dégager des fonds, mais je pense qu'il prend le moins de risques possible. Bon, il a déjà essuyé un échec sur les fondations de la WWE, ça risque pas de porter trop de préjudice. Mais en tout cas. J'espère que concrètement, ce sera une porte d'entrée pour un peu toutes ces équipes du Network et de NXT qui font un bien meilleur boulot que les bookers des weekly. Peut-être voilà, pour faire bouger les choses un petit peu à ce niveau. Mais on verra bien. L'avenir nous le dira. D'accord. Et bah, c'est. En parlant d'NXT, justement, là, la transition parfaite. Voilà. J'ai ma dernière news. La dernière news, c'est une news chiffrée. C'est une news rapport mensuel, enfin j'allais dire semestriel. C'est le retour sur les audiences d'NXT lors de sa première diffusion à la TV, sur le USA Network. Hein, c'était une émission un peu, je crois que c'était pour le, comment ils appellent ça ? La semaine... C'est la semaine WWE. Ouais, c'était la semaine WWE. Je crois que c'était en même temps que le truc de Patriot ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ouais. Donc il y a eu 852 000 spectateurs pour la diffusion du 13 décembre. Le show a été classé 22e des audiences TV de la soirée et reste la meilleure. Alors, ce qui est bizarre, c'est ce qu'il disait dans l'article, la meilleure audience de la soirée sur le USA Network. Donc je pense que c'est genre l'audience de 7h à 22h ou un truc comme ça, ou 23h. Ça a dû être le pic d'audience de la soirée. Ouais. Voilà. Et en concurrence, il y avait la NBA, hein, il y avait il y avait Vikings et Sports Center sur ESPN, qui est quand même un truc très très suivi. Et NXT a fait plus d'audience que le Daily Show. Si vous connaissez le Daily Show, ils étaient moins 4 ou 5 places au-dessus. Donc voilà, c'est une performance qui apparemment est plutôt correct hein, de tout ce que j'ai lu à droite à gauche. On n'a pas eu de nouveau là-dessus, je sais pas trop. J'arrive pas à savoir s'ils sont encore en négociation tout ça mais s'ils ont fait ça, j'imagine qu'ils attendent qu'il y ait un contrat chez USA Network en 2018. Donc ça pourrait aider pour remplir les salles d'NXT. C'est 2019 la renégociation je crois du contrat WWE, du contrat télé. Ça peut jouer dans la balance hein. On peut peut-être avoir à ce moment-là un passage de NXT à la télé. Plutôt une bonne ambiance, plutôt un bon résultat. C'est une bonne surprise. Il y a Edge dans Vikings. C'était ah oui. Supplémentaire. Et oui, vous avez du WWE partout où vous irez. Oui, c'est ça. Mais comment. J'avais, en re-regardant justement le podcast de Fightful sur NXT War Games, ils étaient en train de dire que c'était pas plein la salle de War Games. Ouais, c'est pas impossible. C'était pas plein à Houston. C'était une grande salle quand même, non ? Ouais, et le truc, c'est que c'était pas très longtemps après l'ouragan. Enfin, je sais plus si c'était considéré un ouragan. Enfin, bref, la catastrophe météorologique qui a eu à Houston il y a quelques mois. Et voilà, paraît-il, ça aurait pu un peu jouer. C'était pendant, c'était juste à côté de Thanksgiving aussi. Mmh. Donc il y a ce côté-là où les gens vont pas voyager à X nombre de kilomètres, sachant qu'ils doivent aller voir leur famille à Thanksgiving. Donc voilà, il y avait des paramètres qui faisaient que sûrement ça devait être. Oui, moi mais... je pense pas qu'on peut considérer WarGames comme un échec de toute façon. Quand bien même la salle n'était pas pleine. Non, non, ça arrive quand même assez souvent que ce soit pas plein, même si ce qui est, ils gonflent toujours les chiffres. Mmh. Ce qui est dommage quand on voit la qualité du show, bon, c'est pas comme SmackDown où on se dit les salles sont pas pleines. On comprend quoi, quand il y a Jinder champion, c'est genre. C'est difficile quand même, ouais. Alors, je crois que ils ont augmenté en audience 3 semaines d'affilée SmackDown sur les dernières semaines. D'accord. Donc c'est plutôt en progression. T'es avec, c'est grâce à Daniel, ça. Je pense. Ou Shane. C'est Dee Bry. Jen McMahon, comme il l'appelle. merde, au supplément SmackDown. Enfin bref, donc c'est l'heure du grand débat. Et le débat, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est le Rumble féminin. Voilà, c'est le Rumble féminin. Alors le débat, c'est comment réussir le Rumble féminin. Au début, j'ai mis comment sauver le Rumble féminin, un peu clickbait. Mais on va dire qu'on est, dans une période. Enfin, on était tous d'accord d'ailleurs sur. Donc, pendant les Catch-up Awards, on est dans une période féminine qui est pas terrible. Qui est vraiment, vraiment pas terrible. Où on a des bonnes catcheuses quasiment partout. Enfin, il y a de quoi faire. Tout est écrit avec les pieds. Et finalement, qui est convaincant là-dedans à part Alexa Bliss et Asuka? C'est un peu difficile, sachant que Alexa Bliss, bah bien sûr, voilà, elle est pas dans le Rumble, elle est championne. Et Asuka, elle est annoncée pour le Rumble, mais en même temps, elle cherche des noises à Alexa Bliss. Bah, elle vient de battre Alexa Bliss cette semaine. Oui, voilà, elle vient battre Alexa Bliss cette semaine. Voilà, tout ça semble très téléphoné. Est-ce que tu penses que on a un Rumble à 30, j'ai pas précisé, donc on a un Rumble sous les règles masculines, c'est-à-dire 30 superstars, sachant que le roster est composé de 19 ou 20 stars féminines, donc on a au moins 10 annonces. Moi j'avais 18 en chiffre. 18 ? D'accord. Mmh. Bon, bah, j'ai dit 18. Et donc, voilà. Sachant qu'il faut encore enlever les deux champions. Quelle confiance, de base, si on ne prend pas en compte les arrivées surprises, etc., quelle confiance t'as sur ce match ? Qu'est-ce que t'aimerais voir ? Ou est-ce que finalement, c'est vraiment les surprises qui vont faire que le match est réussi ? Parce que pour l'instant, on a. Voilà. Ouais, j'ai des gros doutes sur la qualité du match, parce que c'est pas si facile que ça de faire un Rumble, une belle bataille royale. Hein, on l'a encore vu au Wrestle Kingdom cette année. Les filles, souvent quand on les laisse à elles-mêmes, il y en a beaucoup qui sont un peu vertes et qui savent pas trop improviser dans le ring. Elles peuvent nous faire mentir, on peut avoir des révélations, ça c'est pas impossible non plus. Mais je pense que ça va être assez moche. Imaginons aussi Alana dans le ring ou des trucs comme ça, ça va pas être facile, hein. Alana, Tamina, etc., en roue libre, si elles sont pas éjectées de suite du ring, je sais même pas si elles arrivent à faire un passage par-dessus la troisième corde correct, ça risque quand même d'être laborieux à regarder. Alors effectivement, il y a de la place pour des arrivées. Mm-hmm. Sur mon visuel, j'ai chopé un visuel comme ça au hasard sur internet, et sur mon visuel, j'ai Brie Bella. Voilà par exemple, ouais, les Bella, les sœurs Bella, ça c'est à peu près sûr qu'on les verra dans ce Rumble. Je ne sais pas si Nikki Bella elle est apte à catcher, mais bon, je pense que ce serait une des entrées possibles. Mm-hmm. très probable. Je pense qu'ils vont faire venir quelques légendes. Si c'est des légendes qui sont complètement rouillées, ça risque de pas élever le spectacle non plus. S'ils font venir des gens d'NXT, le problème c'est qu'il va y avoir des arrivées où il n'y aura aucune pop, puisque les gens les connaissent pas la plupart. Il y avait une histoire de Kelly qui voulait revenir ou je sais pas quoi. À mon avis, ouais, elle, on la verra. Je crois qu'il y a Caitlyn qui a re-signé la WWE aussi. Mais c'est des gens qui n'ont pas catché depuis perpète, hein, donc ça sera sûrement pas très beau, pas très bon dans le ring. Maxence qui nous dit, de toute façon, c'est Stéphanie qui va gagner. C'est pas impossible, oui. Ça, c'est... Dernière entrée. Je pense pas qu'elle va gagner, mais elle serait bien capable d'arriver, genre. J'en ai rien à foutre. Alors, je suis là. C'est ça, voilà. Pour les droits de la femme, hein, Simone Veil, tout ça. les Four Horsewomen là, de l'UFC, apparemment, c'est un petit peu compromis. Ouais. Maintenant, bon, ça, c'est les rumeurs. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Il y a une solution, ce serait de booker le Rumble à la manière du Rumble qu'ils avaient fait, qui s'était terminé avec Michaels et l'Undertaker dans un match quasiment solo pendant bien un bon quart d'heure, tu vois. Tu fais éliminer beaucoup de monde tout de suite et puis tu termines avec deux, genre Asuka contre Sasha Banks, qui font un match standard mais spectaculaire, quoi. Ouais. Ça peut être une solution, ça. Moi, je le bookerais comme ça pour éviter trop de déchets, parce que sinon ça risque d'être compliqué quand même. Ouais. On a Gwendal qui nous propose Piper Niven en surprise. Ah, je suis fan. Ça, ce serait cool, ouais. Ouais, ça serait cool. Mais alors, pour réussir à la faire passer par-dessus la troisième corde, elles vont galérer. Hein. À la Big Show. Moi, je verrais bien Bianca Belair. Ouais. Shayna Baszler. Je pense qu'elle fera une apparition, mais elle n'a pas un catch qui sera très intéressant à voir dans un Rumble. Je pense pas qu'elle a. Ouais, je pense qu'elle est. Pardon. Je la vois pas, Shayna Baszler, dans le Rumble, parce qu'elle n'a pas vraiment un catch qui. Enfin, pour le peu qu'on en a vu, je pense pas que ça soit très bon pour un Rumble. Et puis en plus, voilà, là pour le coup, tu dis il n'y aura pas de pop des gens d'NXT, mais alors Shayna Baszler encore moins, quoi. C'est bon. Nikki Cross et Sanity, peut-être une arrivée de Sanity au Rumble, ouais. Tout le gang, ça peut être sympa. Bah, Peyton Royce, oui, elles sont prêtes, hein, c'est plus, voilà. Faut qu'elles soient dedans. Peyton Royce et comment elle s'appelle, Billie Kay. Ouais. Donc voilà. Et puis, mais en tout cas, je sais plus quand on en parlait, mais sur au niveau de la comment celle qui va gagner, quoi. Je cherche à savoir qui c'est, puisque je suis persuadé que c'est pas Asuka. Parce que moi, ce qui m'étonnerait pas, c'est qu'il sorte Asuka du Rumble et qu'il lui mette un match contre Alexa Bliss directement, parce que je vois pas ce que va faire Alexa Bliss. Ah, mais maintenant qu'elle s'est annoncée dedans, bah oui, mais bon, là, je sais pas, ou alors. Parce que Paige a annoncé. Peut-être que aussi, Bliss va l'attaquer par surprise, ou alors il faut que quelqu'un. Bon, je sais pas. Ah ouais, ouais, une arrivée de. Une intervention de Bliss pour la faire perdre. Ça pourrait, ouais, être, ouais, ou ça pourrait être quelque chose. Ouais. Après, ça peut être une gagnante de SmackDown, hein, qui gagne aussi, hein, comme le souligné Giscal dans le show. Hein, on parle que de gagnante d'Euro, mais c'est possible aussi que ce soit une fille de SmackDown, genre James Ellsworth ou quelqu'un comme ça, tu vois. Ouais, pas mal. Oh là là, on fait trop de vannes sur SmackDown. Faut qu'on arrête. On a quoi d'autre dans le Tony Storm? Gwendoline nous propose Miaim. Je vois pas qui c'est, Miaim. C'était peut-être la chinoise qui était au. Ah ouais. Elle est très green encore. Elle avait fait illusion au. Omeyong classique, mais je crois qu'elle est très, elle est très très green encore hein, dans le ring. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Tamina en gagnante, nous dit Maxence. Non mais arrêtez. Oui. Puis il y a Heat Couple avec avec le Maharaja, ce serait pas mal. Oh mon Dieu. Ah, Miaim, c'est Jade à la TNA. D'accord, merci Camille Bourg. D'accord. Oui, elle a l'expérience pour monter dans le roster principal tout de suite. Effectivement, je crois qu'elle est signée, elle en plus. Hein. Donc, Tony Storm, elle n'est pas à la WWE. Hein. Elle a signé à la Stardom, je crois. Malheureusement. Si vous voulez. Elle n'avait pas fait une performance extraordinaire au Mae Young classique. Si vous voulez des femmes du Mae Young qui ont été signées à NXT, j'en parlais aussi dans le NXT tout seul. Il y a Lacey Evans, Vanessa Bourne. Et voilà, Shayna Baszler et Kairi Sane. Tiens, Kairi Sane, ce serait une bonne idée ça. Ouais, Kairi Sane, voilà. Bah, sûrement, Mercedes Martinez, non? Elle a dû signer aussi, non? Je sais pas si elle a signé parce qu'elle a eu cette mini rivalité de 2 semaines avec Ember Moon. Mmh. Et puis finalement, après, elle est repartie. Je pense qu'elle a. Elle a peut-être des obligations à... Mince, elle était championne de... Est-ce que c'était championne de Shimmer, je crois. Mm-hmm. T'es championne de Shimmer. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, Shimmer, il y a Piper Niven aussi là-bas. Donc voilà. Écoute, pour le Rumble, finalement, conclusion, on a pas de solution. Non, il faut qu'il se démerde tout seul, il faut payer pour. Voilà, c'est. j'espère en tout cas que le match va redonner envie un peu de suivre les filles, parce que je trouve que ces derniers temps, après, je regarde, comme je disais à chaque fois, je ne regarde pas assez souvent SmackDown, donc je ne sais pas si c'est formidable à SmackDown, mais en tout cas, à Raw, les filles. C'est pas passionnant ces derniers temps et j'ai du mal à voir. J'espère qu'ils vont peut-être installer quelques rivalités avec ce Rumble parce que ça manque et ouais, Piper Niven, très bonne idée s'il n'y a pas Nia Jax pour prendre le spot de la du Monster. Victoire de Sister Abigail. Ah oui. Bray Wyatt, ah, voilà. Qui arrive avec son voile. C'est ça. De toute façon, j'arrive jamais à garder une ceinture masculine pendant plus de 3 semaines. Alors je vais prendre la féminine, c'est le plus pratique. Alors ça, ce serait quelque chose. Ah ouais, bah ça. Et après, on aurait Matt Hardy contre Sister Abigail pour Broken Matt pour le titre féminin de en mixte. Mix versus match. Voilà. on n'a pas parlé des mixtes tag team match, mais bon, enfin bref, c'est le truc sur Facebook. Je crois que c'est diffusé le 16 janvier et il y a les équipes Alexa Bliss, Braun Strowman, Charlotte, Bobby Roode, Sasha Banks, Finn Balor. Et c'est à peu près tout ce que j'ai retenu, mais voilà, ça va être fun. Et à mon avis, ça va être plus fun à regarder que tout le fight. Ce qu'on fera, c'est que tu regarderas et puis tu me raconteras comme ça. On se bigophone, ouais. bon, c'est tout pour ce Talking Catch numéro 10. Je remercie tous les gens dans le chat qui sont venus pour réagir à toutes ces news, Gwendal, Camille, Maxence et compagnie, Galu, et Richard. Et Richard, et le fameux Richard. Richie, on l'appelle. Richie. Alors, merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir de vous voir là si tôt le matin. Voilà. Grand merci. N'oubliez pas, Catch Up, c'est sur iTunes, c'est sur PodCloud. Et c'est bien sûr sur YouTube, là où on est en train de vous parler en live, sur twitter.com/catchupcdc, on vous donne tous les horaires de tous nos streams en live qu'on fait. Je ne sais plus parler français. Talking Catch. C'est pas grave, on comprend quand même. On est en live pour Talking Catch, on est en live pour Catch Up Raw, pour Catch Up SmackDown, pour NXT tout seul aussi, tous les dimanches matins. Et puis bien sûr les pay-per-view, les pré-shows des pay-per-view et bien sûr les reviews des pay-per-view pour le Rumble Je vous le dis maintenant, même si je n'ai confirmé ça avec personne, il y aura un pré-show pour le Rumble. C'est tout. Il y aura un, il y aura un gros pré-show pour le Rumble. Et ce sera le dimanche à 16h. Voilà. Voilà, je balance l'horaire, comme ça que c'est moi qui choisis. Et je m'occupe. On a la review du Wrestle Kingdom en ligne aussi, hein, les amis. Mm-hmm. Si vous voulez découvrir autre chose que la WWE, le dernier show de la New Japan Pro Wrestling, commenté, analysé, à mes côtés, l'amiral, pour cette édition. Voilà, voilà. Et si vous connaissez rien à la New Japan et que vous avez peur d'aller voir la review et rien comprendre, eh ben il y a des tutos, des formidables tutos. Il y en a deux sur l'histoire de la New Japan et le deuxième c'était sur La carte du Wrestle Kingdom. Voilà, sur la carte du Wrestle Kingdom, expliquer les feux pour rattraper un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, ils ont fait deux vidéos tuto pour tout rattraper sur la New Japan en à peine 2 heures. Allez-y, c'est Ringside et Armbar qui ont fait tout ce formidable travail. Maxence se demande si ce sera toujours à cette heure-là, NXT tout seul. Je ne sais pas, puisque à chaque fois que je le fais, je suis extrêmement fatigué et il n'y a pas grand monde. Donc, je pense pas que ce soit forcément une super combinaison. Mais en même temps, ça m'avantage parce que bon, ça me laisse mon dimanche de libre si je dois attendre 16 heures pour faire l'émission, tout ça. Enfin, je sais pas. Je vais faire un sondage, tiens. Je vais faire un sondage sur Twitter. Comme ça, un nouveau prétexte pour aller sur twitter.com/ketchupcdc. Je vais faire un sondage sur à quelle heure vous voulez votre NXT tout seul. NXT tout seul. Donc voilà, petite émission de 30 minutes où je récap à chaque fois ce qui se passe à NXT et le booking et tout ça. Je crois que c'est bon. Je crois que tout est ok. On vous souhaite du coup un bon mois plein de catch puisque Talking Catch c'est tous les mois. Tiens, je vais enlever le visuel du Rumble. Hop, voilà. Et puis merci encore. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour avoir une notification dès qu'on stream. Voilà, c'est tout. Mettez un joli commentaire pour nos débats, voilà, pour un sujet de débat pour le mois prochain aussi. C'est très important pour nous. Mettez un like si vous avez aimé. Gros bisous, au mois prochain. Salut à toutes. Ciao, ciao. C'est le retour compliqué de Daniel Bryan. C'est les oreillons à la WWE, le Bullet Club contre la WWE, contre Jimmy Jacobs. Après, je suis pas sûr qu'il avait un grand avenir à Stamford, hein, parce qu'il est vraiment tout petit et il a un peu une tête de con. Finalement, NXT, c'est peut-être le centre d'apprentissage de Triple H, hein, tout simplement. Merci, c'est le Byron Saxon de NXT, quoi. CM Punk revient au catch, arrête de discuter avec le répondeur de Dana White.